Les soldats. 1. Après les travailleurs viennent les guerriers, mâles ou femelles, au sexe pareillement sacrifié, également aveugles et privés d'ailes. Ici, nous prenons vraiment sur le fait ce que nous appellerons l'intelligence, l'instinct, la force créatrice, le génie de l'espèce ou de la nature, à moins que vous ne lui donniez quelque autre nom qui vous paraisse plus juste et préférable. Normalement, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas d'être plus déshérité que le termite. Il n'a pas d'armes offensives ou défensives. Son ventre mou crève sous la pression d'un doigt d'enfant. Il ne possède qu'un outil pour un travail obscur et sans relâche. Attaqué par la plus chétive fourmi, il est vaincu d'avance. Sort-il de son repère, sans yeux, presque rampant, muni de petites mâchoires habiles à pulvériser le bois, mais inaptes à happer l'adversaire, il n'en a pas franchi le seuil qu'il est perdu. Et ce repère, sa patrie, sa cité, son seul bien et son tout, son âme véritable qui est l'âme de sa foule, ce saint des saints de tout son être, plus hermétiquement clos qu'une jarre de grès ou un obélisque de granit, une irrésistible loi ancestrale à certains moments de l'année lui ordonne de l'ouvrir de toutes parts. Entouré de milliers d'ennemis qui guettent ces minutes tragiquement périodiques où tout ce qu'il possède, son présent et son avenir, est offert au massacre, il a su faire depuis on ne sait quand ce que l'homme, son égal dans le déshéritement, fait à son tour après de longs millénaires d'angoisse et de misère. Il a créé de toutes pièces des armes invincibles à des ennemis normaux, aux ennemis de son ordre. En effet, il n'est pas un seul animal qui puisse entamer la termitière, la réduire à merci, et la fourmi ne peut s'y installer que par surprise. L'homme seul, le dernier venu, né d'hier, qu'il ne connaissait pas, contre lequel il ne s'est pas encore prémuni, peut en venir à bout, à l'aide de la poudre, de la pioche et de la scie. Ses armes, il ne les a pas empruntées comme nous au monde extérieur. Il a fait mieux, qui prouve qu'il est plus près que nous des sources de la vie. Il les a forgées dans son propre corps, il les a tirées de soi, en matérialisant en quelque sorte son héroïsme par un miracle de son imagination, de sa volonté, ou grâce à quelque connivence avec l'âme de ce monde, ou la connaissance de mystérieuses lois biologiques dont nous n'avons encore qu'une très vague idée. Car il est certain que sur ce point et sur quelques autres, le termite en sait plus que nous, et que la volonté qui chez nous ne dépasse pas la conscience et ne commande qu'à la pensée, il l'étend à toute la région ténébreuse où fonctionnent et se façonnent les organes de la vie. Il a donc, afin d'assurer la défense de ses citadelles, fait sortir d'eux, en tout semblables à ceux dont naissent les travailleurs, car même au microscope on ne découvre aucune différence, une caste de monstres échappés d'un cauchemar et qui rappellent les plus fantastiques diableries de Hieronymus Bosch, de Bruegel le Vieux et de Callot. La tête cuirassée de chitine a pris un développement phénoménal, hallucinant, et porte des mandibules plus volumineuses que le reste du corps. Tout l'insecte n'est qu'un bouclier de cornes et une paire de tenailles cisailles semblables à celles des homards, actionnées par des muscles puissants. Et ces tenailles, aussi dures que l'acier, sont si lourdes et tellement encombrantes et disproportionnées que celui qui en est accablé est incapable de manger et doit être nourri à la béquée par les travailleurs. On trouve parfois dans la même termitière deux sortes de soldats, l'une de grande, l'autre de petite taille, bien que toutes deux également adultes. L'utilité de ces petits soldats n'est pas encore bien expliquée, attendu qu'en cas d'alerte, ils prennent la fuite aussi promptement que les ouvriers. Ils paraissent chargés de la police intérieure. Quelques espèces ont même trois types de guerriers. Une famille de termites, les euthermes, a des soldats qui sont encore plus fantastiques. On les appelle nasutés, nasicornes ou termites à trompe ou à seringue. Ils ne possèdent pas de mandibules, et leur tête est remplacée par un appareil énorme et bizarre qui ressemble exactement aux poires à injection que vendent les pharmaciens ou les marchands d'objets en caoutchouc, et qui est aussi volumineuse que le reste de leur corps. À l'aide de cette poire, ou de cette ampoule cervicale, au jugé, étant dépourvu d'yeux, ils projettent sur leurs adversaires, à 2 cm de distance, un liquide gluant qui les paralyse, et que la fourmi, l'ennemi millénaire, redoute beaucoup plus que les mandibules des autres soldats. Note. M. Batelier, directeur de l'Institut pathologique de Saïgon, ayant enfermé dans une cuvette de pétri une cinquantaine de soldats de terme en compagnie de 6 fourmis rousses de grande taille, au bout de quelques minutes, trouva les 6 fourmis empêtrées et incapables de se mouvoir. L'une d'elles essayait-elle de remuer, un soldat l'arrêtait aussitôt, le rostre dirigé de son côté et la gratifiait d'une injection. Il n'y avait d'ailleurs pas de contact, et la seringue de Leterme ne gardait sa direction en avant que pendant un temps très court. Plus les fourmis se débattaient, plus leurs membres se collaient entre eux et adhéraient au long du corps. Bientôt complètement immobilisées, elles finirent par succomber. Fin de note. Cette arme perfectionnée, sorte d'artillerie portative, est si nettement supérieure à l'autre qu'elle permet à l'un de ces termites, le Termes monoceros, quoique aveugle, d'organiser des expéditions à découvert et de faire en masse des sorties nocturnes pour aller récolter le long du tronc des cocotiers le lichen dont il est friand. Une curieuse photographie au magnésium, prise en l'île de Ceylan par E. Bugnon, nous montre l'armée en marche, coulant comme un ruisseau, durant plusieurs heures, entre deux haies de soldats bien alignés, la seringue tournée en dehors afin de tenir en respect les fourmis. Note. Le dénombrement de l'armée sortante effectué sur des photographies agrandies, instantanées au magnésium, a donné pour une longueur de 32 cm des chiffres variant de 232 à 623, soit pour un mètre de 896 à 1917 termites. Prenons comme chiffre moyen 1000 individus par mètre, cela ferait pour l'armée entière, défilant pendant 5 heures, à raison de 1 mètre à la minute, un total de 300 000 termites. Le nombre des soldats de garde comptés sur l'une des photographies était, pour une longueur de 55 cm, de 80 à gauche et 51 à droite, ce qui donne pour 1 mètre 146 et 96, ensemble 238. Un jour où l'armée rentrante était harcelée par les fourmis, filles de l'eau jetons, j'ai compté le long du soubassement de la cabane, sur une longueur de 3,50 m, une rangée de 281 soldats, qui faisaient face à l'ennemi, couvraient la retraite des ouvriers chargés de lichen. Ceux-ci marchaient du côté du mur à l'abri des agresseurs. Docteur E. Bugnon. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'ouvriers et de soldats aveugles, et demandons-nous ce que des hommes feraient à leur place. Fin de note. Ils sont très rares, les termites qui osent braver la lumière du jour. On ne connaît guère que l'Odotermes avilandi et le Termes viator ou viarum. Il est vrai qu'exceptionnellement, ils n'ont pas fait comme les autres vœux de cécité. Ils ont des yeux à facettes. Et, encadrés de soldats qui les protègent, les surveillent et les dirigent, vont aux provisions dans la jungle et marchent militairement par rang de 12 ou 15 individus. Parfois, l'un des soldats qui les flanque monte sur une éminence afin de reconnaître les alentours et fait entendre un sifflement auquel répond la troupe qui accélère le pas. C'est ce sifflement qui signala leur présence à Smithman, le premier qui les découvrit. Ici aussi, comme dans l'exemple précédent, le défilé des troupes innombrables demanda 5 ou 6 heures. Les soldats des autres espèces ne quittent jamais la forteresse qu'ils sont chargés de défendre. Ils y sont retenus par une cécité totale. Le génie de l'espèce a trouvé ce moyen pratique et radical de les fixer à leur poste. Au surplus, ils n'ont d'efficace qu'à leur créneau et lorsqu'ils peuvent faire front. Qu'on les tourne, les voilà perdus. Le buste seul est armé et cuirassé et l'arrière-train, mou comme un ver, est offert à toutes les morsures. 2. L'ennemi né, c'est la fourmi. Ennemi héréditaire. Ennemi depuis 2 ou 3 millions d'années, car elle est géologiquement postérieure aux termites. Note. L'homme a tiré parti de cette inimitié mortelle. C'est ainsi que les indigènes de Madras utilisent certaines espèces de fourmis, notamment le Phaedilogeton, pour détruire les termites dans les entrepôts de marchandises. Fin de note. On peut dire que n'était la fourmi, l'insecte dévastateur dont nous nous occupons serait peut-être à l'heure qu'il est maître de la partie méridionale de ce globe. À moins qu'on ne soutienne d'autre part que c'est à la nécessité de se défendre contre elle que le termite doit le meilleur de lui-même. Le développement de son intelligence, les admirables progrès qu'il a réalisés et la prodigieuse organisation de ces républiques, problème qu'il est difficile de résoudre. En remontant aux espèces inférieures, nous rencontrons entre autres l'Archothermopsis et le Calothermès. Ils ne sont pas encore constructeurs et creusent leurs galeries dans des troncs d'arbres. Tous accomplissent à peu près la même besogne et les castes sont à peine différenciées. Pour empêcher la fourmi de pénétrer dans le nid, ils se contentent d'emboucher l'orifice avec des crottes mêlées de sueurs de bois. Néanmoins, un Calothermès, le Dilatus, a déjà créé un type de soldat tout à fait spécial dont la tête n'est qu'une sorte d'énorme tampon taillé en pointe qui, pour boucher un trou, remplace avantageusement la sueure de bois. Nous arrivons ainsi aux espèces les plus civilisées, les grands termites à champignons et les euthermes à seringues, en retrouvant échelon par échelon, il y en a des centaines, toutes les étapes d'une évolution, tous les progrès d'une civilisation qui, probablement, n'a pas encore atteint son apogée. Ce travail à peine esquissé par E. Bunion, note, voici d'après E. Bunion quelques degrés de cette évolution. Premier degré, tassement de la sciure de bois dans la partie externe des galeries. Boudins plus ou moins compacts, formés de sciure et de crottes, destinés à boucher les issues, calotherme thermopsis. Deuxième degré, agglutination de débris de bois au moyen de la salive ou du liquide contenu dans le rectum, de manière à former des tunnels, des cloisons protectrices et des nids entièrement clos. Industrie du carton de bois en général. Coptothermès, Arinothermès, Euthermès. Troisième degré. Art de maçonner au moyen d'un mortier formé de grains de terre et de salive. Perfectionnement graduel à partir de simples encroûtements de terre jusqu'aux termitières les plus parfaites. Quatrième degré. Culture des champignons. Art de plus en plus parfait des termites champignonistes. Thermès. Fin de note. Ce travail à peine esquissé par E. Bunion est, du reste, pour l'instant, impossible, car sur les 1200 ou 1500 espèces qu'on présume qui existent, Niels Holmgren, en 1912, n'en avait classé que 575, dont 206 pour l'Afrique, et l'on ne connaît approximativement les mœurs que d'une centaine d'entre elles. Mais ce que nous savons permet déjà d'affirmer qu'entre les espèces étudiées existe la même échelle de valeur qu'entre les anthropophages de la Polynésie et les races européennes qui tiennent les sommets de notre civilisation. La fourmi rôde donc jour et nuit sur la meule à la recherche d'une ouverture. C'est surtout contre elle que toutes les précautions sont prises et que les moindres fissures sont sévèrement gardées, notamment celles que nécessitent les cheminées d'aérage, car la ventilation de la termitière est assurée par une circulation d'air à laquelle nos meilleurs hygiénistes ne trouveraient rien à reprocher. Mais quel que soit l'agresseur, dès que le nid est attaqué et que la brèche y est faite, on voit surgir l'énorme tête d'un défenseur qui donne l'alarme en frappant le sol de ses mandibules. Aussitôt accourt le corps de garde, puis toute la garnison qui, de ses crânes, obture la percée, en agitant au hasard, aveuglément, un buisson de redoutables, d'effroyables et brillantes mâchoires, ou toujours à tâtons, se précipitant comme une meute de bulldogs sur l'adversaire qu'il morde rageusement, emportant le morceau et ne lâchant jamais prise. Note. E. Bunion, dans son opuscule, nous donne, pris sur le fait, un bien curieux exemple de cette défense intelligente et vigilante. Il avait mis dans une caissette couverte d'un verre une colonie d'Euthermès lacustris. Le lendemain, il trouve la table sur laquelle il l'avait déposée couverte de fourmis terribles, les Phidolegeton diversus. La vitre joignant mal, il crut sa colonie perdue. Il n'en était rien. Avertis du danger, les soldats s'étaient rangés sur la table tout autour de la caissette. Une garde bien alignée se tenait en outre le long de la rainure qui tenait la vitre en place. Faisant face à l'ennemi, avec leurs seringues, les vaillants petits soldats avaient veillé toute la nuit et n'avaient pas laissé passer une seule fourmi. Fin de note. 3. Si l'attaque se prolonge, les soldats entrent en fureur et émettent un son clair, vibrant et plus rapide que le tic-tac d'une montre, qu'on entend à plusieurs mètres de distance. Un sifflement y répond de l'intérieur du nid. Cette sorte de chant de guerre ou d'hymne de la colère, produit par les heurts de la tête contre le ciment et la friction de la base de l'occiput contre le corselet, est rythmé très nettement et reprend de minute en minute. Parfois, malgré l'héroïque défense, il arrive qu'un certain nombre de fourmis parviennent à s'introduire dans la citadelle. On fait alors la part du feu. Les soldats contiennent de leur mieux l'envahisseur, cependant qu'à l'arrière, les ouvriers murent en hâte à les déboucher de tous les couloirs. Les guerriers sont sacrifiés, mais l'ennemi est fort clos. C'est ainsi qu'on trouve certains monticules où termites et fourmis paraissent cohabiter et vivre en bonne intelligence. En réalité, les fourmis n'en occupent qu'une partie qu'on leur a définitivement abandonnée sans qu'elles puissent pénétrer au cœur de la place. Généralement, l'attaque, qui n'aboutit que fort rarement à la prise totale de la citadelle, se termine par la razzia des parties conquises. Chaque fourmi, dit H. Prell, qui a observé ces combats dans l'Usambara, Afrique orientale allemande, fait une demi-douzaine de prisonniers qui, mutilés, se débattent faiblement sur le sol. Après quoi, chacun des maraudeurs ramasse trois ou quatre termites qui l'emportent. Les colonnes se reforment et rentrent dans leurs repères. L'armée des fourmis observées avait 10 centimètres de large et 1,50 m de long. Elle mettait en marche une stridulation continuelle. L'agression repoussée, les soldats demeurent quelque temps sur la brèche, puis regagnent leur poste ou rentrent dans leur caserne. Après quoi, reparaissent les ouvriers qui avaient fui au premier signal du danger, conformément à une stricte et judicieuse distribution ou division du travail qui place d'un côté l'héroïsme et de l'autre la main-d'œuvre. Ils se mettent un continent à réparer les dégâts avec une rapidité fantastique, chacun apportant sa boulette d'excréments. Au bout d'une heure, constate le docteur Tragart, une ouverture de la grandeur de la paume d'une main est fermée. Et T.G. Savage nous apprend qu'ayant un soir saccagé une termitière, il vit le lendemain matin tout remis en état et recouvert d'une nouvelle couche de ciment. Cette rapidité est pour eux une question de vie ou de mort, car la moindre brèche est un appel à des ennemis sans nombre, et fatalement la fin de la colonie. 4. Ces guerriers qui d'abord semblent n'être que les mercenaires, mais des mercenaires fidèles et toujours héroïques, d'une Carthage impitoyable, remplissent d'autres emplois. Chez le Thermès Monoxéros, bien qu'aveugles, mais personne n'y voit dans la colonie, ils sont envoyés en reconnaissance avant que l'armée aborde un cocotier. Nous venons de dire que dans les expéditions du Thermès Viator, ils agissent comme de véritables officiers. Il est assez probable qu'il en va de même dans les termitières cloîtrées, encore qu'ici l'observation soit presque impossible, puisqu'à la moindre alerte, ils courent à la brèche et ne sont plus que des soldats. Un instantané pris au magnésium par W. Tseville Kent, en Australie, nous en montre deux qui semblent surveiller une escouade d'ouvriers en train de ronger une planche. Ils tâchent de se rendre utiles, transportent les œufs sur leurs mandibules, se tiennent au carrefour comme s'ils y réglaient la circulation. Et Smithman affirme même en avoir vu qui, par de petits tapotements affectueux, assistaient la reine dans l'expulsion difficile d'un œuf récalcitrant. Ils semblent avoir plus d'initiative et être plus intelligents que les ouvriers, et forment en somme, au sein de la République soviétique, une sorte d'aristocratie. Mais c'est une aristocratie bien misérable, qui, comme la nôtre, et c'est encore un trait humain, est incapable de subvenir à ses besoins, et dépend pour le vivre entièrement du peuple. Heureusement pour elle, qu'au rebours de ce qui se passe, ou paraît se passer chez nous, leur sort n'est pas entièrement lié aux caprices aveugles de la foule, mais se trouve aux mains d'une autre puissance dont nous n'avons pas encore rencontré la face et dont nous chercherons plus loin à percer le mystère. Nous verrons, en parlant de l'essaimage, qu'aux heures tragiques où la cité est en péril de mort, ils assurent seuls la police des sorties, gardent leur sang-froid au milieu de la folie qui les environne, et paraissent agir au nom d'une sorte de comité de salut public qui leur délègue des pouvoirs absolus. Toutefois, malgré l'autorité dont ils semblent en plusieurs circonstances revêtus et dont les armes terribles qu'ils possèdent leur permettraient aisément d'abuser, ils n'en demeurent pas moins à la merci de la puissance souveraine et occulte qui gouverne leur république. Ils forment en général un cinquième de la population totale. S'ils dépassent cette proportion, si par exemple, comme on en a fait l'expérience dans les petites termitières, les seules où l'on puisse tenter des observations de ce genre, on en met en surnombre, la puissance inconnue, qui doit savoir assez exactement compter, en fait périr à peu près autant qu'on en a introduit, non point parce qu'ils sont étrangers, les ayant marqués, on a pu le constater, mais parce qu'ils sont de trop. Ils ne sont pas massacrés comme les mâles des abeilles. 100 ouvriers ne viendraient pas à bout d'un de ces monstres qui ne sont vulnérables qu'à l'arrière-train. Tout simplement, on ne leur donne plus la béquée, et incapables de manger, ils meurent de faim. Mais comment la puissance occulte s'y prend-elle pour compter, désigner ou parquer ce qu'elle a condamné? C'est une des 1000 questions qui jaillissent de la termitière et restent jusqu'ici sans réponse. N'oublions pas, avant de clore ces chapitres consacrés aux milices de la ville sans lumière, de mentionner d'assez bizarres aptitudes plus ou moins musicales qu'elles manifestent fréquemment. Elles paraissent être en effet, sinon les mélomanes, du moins ce que les futuristes appelleraient les bruiteuses de la colonie. Ces bruits, qui sont tantôt un signal d'alarme, un appel à l'aide, une sorte de lamentation, des crépitements divers presque toujours rythmés, auxquels répondent des murmures de la foule, font croire à plusieurs entomologistes qu'ils communiquent entre eux, non seulement par les antennes comme les fourmis, mais encore à l'aide d'un langage plus ou moins articulé. En tout cas, au rebours des abeilles et des fourmis qui ont l'air d'être complètement sourdes, l'acoustique joue un certain rôle dans la république de ces aveugles qui ont l'ouïe très fine. Il est difficile de s'en rendre compte quand il s'agit de termitières souterraines ou enrobées de plus de 6 pieds de bois mâché, d'argile et de ciment qui absorbent tous les sons. Mais pour celles qui sont installées dans des troncs d'arbres, si on en approche l'oreille, on entend toute une série de bruits qui ne donnent pas l'impression d'être dus seulement au hasard. Il est du reste évident qu'une organisation aussi délicate, aussi complexe, où tout est solidaire, où tout est rigoureusement équilibré, ne saurait subsister sans concert, à moins d'attribuer ces miracles à une harmonie préétablie beaucoup moins vraisemblable que l'entente. Entre les 1000 preuves de cette entente que nous voyons s'accumuler au long de ces pages, j'appellerai l'attention sur celle-ci, parce qu'elle est assez topique. Il existe des termitières dont une seule colonie occupe plusieurs troncs d'arbres, parfois assez distants les uns des autres, et n'a qu'un couple royal. Ces agglomérations séparées, mais soumises à la même administration centrale, communiquent si bien entre elles que si, dans un des troncs, on supprime l'équipe de prétendantes que les termites tiennent toujours en réserve, afin de remplacer, en cas d'accident, la reine morte ou trop peu féconde, les habitants d'un tronc voisin commencent immédiatement l'élevage d'une nouvelle troupe de candidates au trône. Nous reviendrons sur ces formes substitutives ou supplémentaires qui sont une des particularités les plus curieuses et les plus ingénieuses de la politique termitienne. 5. Outre ces bruits divers, crépitements, tic-tac, sifflements, cris d'alarme presque toujours rythmés et qui dénotent une certaine sensibilité musicale, les termites ont encore, en de nombreuses circonstances, des mouvements d'ensemble également rythmés, comme s'ils appartenaient à une chorégraphie ou à une orchestique tout à fait singulière, qui ont toujours prodigieusement intrigué les entomologistes qui les ont observés. Ces mouvements sont exécutés par tous les membres de la colonie, excepté les nouveau-nés. C'est une sorte de danse convulsive où, sur les tarses immobiles, le corps agité de tremblements se balance d'avant en arrière avec une légère oscillation latérale. Elle se prolonge durant des heures, coupée de courts intervalles de repos. Elle précède notamment le vol nuptial, et prélude comme une prière ou une cérémonie sacrée au plus grand sacrifice que la nature puisse imposer. Fritz Müller, en cette occurrence, y voit ce qu'il appelle les love passages. On remarque des mouvements analogues quand on agite ou éclaire brusquement les tubes dans lesquels on emprisonne les sujets en observation, qu'il n'est du reste pas facile d'y maintenir longtemps, car ils percent à peu près tous les bouchons ligneux ou même métalliques, et, chimistes incomparables, parviennent à corroder le verre.